Chapitre 125. L'invocation à dire lorsque l'on porte un nouveau vêtement. 813. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, portait un nouvel habit, il le nommait, turban, kamis, manteau, puis disait, « Oh Allah, à toi la louange, tu m'en as vêtu. Je te demande de son bien et du bien pour lequel il a été conçu. Et j'implore ta protection contre son mal et le mal pour lequel il a été conçu. Allahumma lakal hamd, anta kasawtani. As'aluka khayrahu wa khayra ma suni'a lah, wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah. » Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan.